premier temps d'une nouvelle série de La Fabrique de l'Histoire consacrée aux organisations internationales à l'occasion du centenaire de la naissance à la fois de la SDN et de l'OIT. Demain, nous aborderons la question de la naissance, après la Première Guerre mondiale, d'organisations internationales telles que l'Organisation internationale du travail. Mardi, nous nous demanderons dans le débat si les ONG font de la politique. Et jeudi, le documentaire de Séverine Yatar et Séverine Cassard portera sur le Centre international de l'enfance qui, sans être véritablement une organisation internationale, avait l'intention de former et d'informer les personnels liés à l'enfance, notamment dans les pays déshérités, tels qu'on le disait en 1949 quand il a été créé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Delalande, professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po et qui vient de publier dans la collection L'Univers Historique au Seuil une grande enquête et une grande histoire de l'Association Internationale des Travailleurs que vous connaissez peut-être plus simplement sous le nom de Première Internationale. Son titre, c'est La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières. Bonjour Nicolas Delalande. Bonjour. Nous commençons cette émission avec vous, avec la version instrumentale extraite de la bande originale de Amarcord, le film de Fellini, de l'International, qui correspond à peu près à la période qui vous intéresse, puisque votre livre La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières, commence aux alentours des années 1860 pour s'interrompre à la veille de la Première Guerre mondiale. Alors, placer effectivement l'AIT dans les organisations internationales, cela peut être étrange, mais c'est véritablement le cas. C'est même une des premières. Elle naît en 1864 à Londres, en septembre de cette année. Elle rassemble dès le départ des militants issus des quatre coins de l'Europe, parfois certains vivant aussi déjà aux États-Unis, qui ont pour objectif de construire la solidarité ouvrière internationale. Et ils veulent non pas seulement se réunir ponctuellement, mais essayer de construire durablement une association, certains parlent d'institution, ça va être une partie de leur débat, qui va se doter d'instances régulières, notamment un conseil général qui se réunira chaque semaine à Londres pour tenter de réunir des militants, donc de gonfler les effectifs, mais aussi de construire des projets communs, d'avoir une vision politique commune et surtout de construire des solidarités qui vont permettre l'émancipation des travailleurs. Donc il y a bien une volonté de s'inscrire dans la durée, ce qui est le propre donc d'une forme d'organisation ou d'institution ou d'association telle que les membres de l'époque la désignent. Alors évidemment, on a souvent gardé de cette organisation, de cette Association internationale des travailleurs née en 1864, des noms comme Marx, Engels, et l'avantage de votre travail, c'est de rentrer très profondément dans la façon dont, justement, dont s'institutionnalise une telle association. Alors on peut dire que par exemple le programme a été énoncé dans le rapport du Conseil général de 1870 et qui avait été rédigé par Marx, disait ceci: c'est un des grands buts de l'association de développer chez les ouvriers des différents pays non seulement le sentiment mais le fait de leur fraternité et de les unir pour former l'armée de l'émancipation. On est effectivement dans une rhétorique qui est tout à fait deuxième moitié du 19e siècle, mais qui dit bien ce que veut faire cette association, cette façon de se fédérer entre ouvriers essentiellement européens tout de même à ce moment-là. Essentiellement européens, essentiellement même ouest européens, même si on va aussi trouver des ouvriers italiens, espagnols, bien sûr, des russes, des autrichiens, mais disons le cœur de cette association, lorsqu'elle est fondée, tourne autour de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. La phrase que vous avez citée est importante parce que effectivement, elle insiste sur le passage du fait enfin du sentiment, pardon, de la solidarité à la construction de la solidarité en fait, en pratique, de manière concrète. Il y avait évidemment déjà une conscience internationaliste qui était antérieure au 19e siècle, qui était, notamment exprimée dans le célèbre manifeste du Parti communiste qui datait de 1848, qui avait déjà rédigé Marx et Engels. En même temps, il y avait des liens qui existaient, notamment dans les milieux de l'exil, beaucoup, en 1848 et après aussi dans la répression, dans la proscription. Ce qu'on veut faire de nouveau dans les années 1860, c'est de coordonner les formes d'action collective, les luttes, les conflits sociaux, et de passer à une véritable forme d'organisation. Donc l'internationalisme et la solidarité à distance avec d'autres travailleurs ne peut pas être seulement déclarative, ne peut pas être seulement liée au registre des émotions, mais elle doit s'inscrire dans des pratiques, des procédures, des formes de reconnaissance mutuelle qui, pour les fondateurs de la Première Internationale, sont une des conditions de l'efficacité même des soulèvements ouvriers. Avec la question, effectivement, des rapports de force qu'il faudrait avoir avec d'autres organisations qui seraient, elles, par exemple, internationales et patronales lorsqu'elles se créeront au fur et à mesure de ce 19e siècle. Vous avez parlé de la question de l'émotion. Il faut rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices qu'effectivement, la question de l'émotion était très importante dans ce 19e siècle, qu'un certain romantisme de l'action qui a pu être décrit par Hervé Mazurel, par exemple, dans son travail sur les philhellènes et la façon dont on s'engageait pour les Grecs au moment de la guerre d'indépendance de la Grèce était très présent. On a eu le même cas avec les Polonais, avec d'autres conflits qui ont été des conflits de la liberté d'une certaine façon, aussi les garibaldistes, la charbonnerie, tout cela participait d'un climat dont veut sortir aussi un peu cette Association internationale des travailleurs. Elle veut faire pièce sur ce fond-là, mais en faire autre chose. Elle veut s'appuyer sur les émotions collectives internationales, ça c'est évident. Il n'y a pas de volonté de les laisser de côté, c'est un ressort fondamental de l'identification à distance avec des personnes qu'on ne connaît pas directement. Mais ce qui est très présent dans les débats de l'époque, c'est effectivement d'essayer de s'extirper d'un romantisme de l'action qui ne déboucherait pas sur la construction d'une véritable organisation. Et d'une charité aussi. Il y a cette dimension qui pouvait être charitable, qui pouvait être issue des christianismes, par exemple, tout au long des siècles de l'âge moderne. On veut s'extirper aussi de cette question de la charité. Oui, on veut faire autre chose. On veut se distinguer de plusieurs autres formes d'organisation internationale. Il y a bien sûr une critique du capitalisme d'abord. On parle plutôt de capital, mais il y a cette idée que le capital est déjà une puissance qui agit à une échelle internationale. Et puis il y a ce monde de la charité bourgeoise qui effectivement peut aussi agir puissamment à travers les frontières dès les années 1820-1830 et plus encore dans les années 1860. On est à peu près dans la même contexte en fait que celui de la création de l'Association internationale des travailleurs. Comme exemple, l'année précédente, en 1863, a été créé le Comité international de la Croix-Rouge. Et puis, on a vu aussi naître une association, par exemple, comme l'Alliance israélite universelle, dès les années 1860, qui est mue par un devoir de charité, d'assistance, notamment porté par les élites bourgeoises du judaïsme européen vis-à-vis des populations juives déshéritées du bassin méditerranéen. Donc, il y a des formes d'action qui vont être partagées, mais il y a en même temps la volonté de s'en distinguer, de s'en dissocier, notamment pour que l'exercice de la solidarité soit approprié par les ouvriers eux-mêmes, qu'ils ne soient plus dépendants de formes de bienveillance extérieure, d'une tutelle qui exercerait des élites aussi charitables, philanthropiques soient-elles. Alors évidemment, une des questions que l'on se pose, c'est pourquoi Londres ? Donc 1864, naissance de cette Association internationale des travailleurs. Est-ce que c'est parce que se trouvent à Londres justement des gens comme Marx et Engels ? Est-ce que c'est parce que cette puissance, qui est la puissance britannique et la puissance symbolique, pourrait-on dire, de l'augmentation de l'industrie dans le 19e siècle ? Est-ce que c'est parce que on y trouve aussi des élites capitalistes ? Qu'est-ce qui fait que Londres devient, dans un premier temps, le siège de cette Association internationale des travailleurs ? Et dans ces années, un lieu éminemment paradoxal. C'est d'abord la métropole du capital, comme l'écrira Marx. C'est évidemment là où s'observent le plus directement les transformations du capitalisme global, notamment parce que Londres est une place financière, entre autres, et que beaucoup d'entreprises, d'États vont venir s'y financer. Et donc le capitalisme global de l'époque est centré autour de Londres. Mais c'est en même temps la capitale de la résistance au capital, dans le sens où elle accueille depuis le début du 19e siècle beaucoup de réfugiés, d'exilés, Il y a une longue tradition qui a bien été étudiée par les historiennes et les historiens au cours des années récentes. Et beaucoup se retrouvent à Londres. Donc Londres est une ville cosmopolite où vont pouvoir agir avec une certaine liberté des militants qui sont les premiers critiques du système qui les abrite. Et c'est donc toute l'originalité de cette ville, mais c'est aussi le cas à l'époque de villes comme Bruxelles ou comme Genève, qui sont les grandes villes de l'exil européen et qui sont attachées à un principe de la liberté d'expression et qui ont vu, dans le cas britannique notamment, s'organiser précocement un mouvement ouvrier, c'est bien connu, notamment les syndicats ont été... Les trade unions ont été autorisés dès les années 1820. Ce qui fait que l'Association internationale des travailleurs va s'appuyer à la fois sur un milieu d'exilés qui se retrouve, alors Marx, Engels, ce sont des noms connus, mais il y en a beaucoup d'autres, certains qui sont restés anonymes, mais qui ont joué un rôle fondamental dans cette association. Mais on y trouve aussi, pour une large partie, une forme d'organisation qui a un poids, une efficacité, un savoir-faire. C'est l'ensemble des syndicats britanniques, organisés depuis plusieurs décennies, et qui sont à la pointe, justement, de l'action collective à cette époque-là. The Red Flag, le chant du congrès du Labour Party, sur les paroles de Jim Connell. Nous sommes avec vous, Nicolas Delalande, pour la première émission d'une série d'émissions consacrées aux organisations internationales dans la fabrique de l'histoire, et vous nous parlez de l'Association internationale des travailleurs, donc cette association née en 1864 à Londres, qui est au cœur de votre livre La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières. Alors vous nous dites, il n'y a pas que Marx et Engels, qui sont les militants qui vont traverser le Channel, par exemple, pour tous ceux qui n'habitent pas l'Angleterre, pour venir à Londres, participer à ces réunions qui sont hebdomadaires théoriquement, et qui donc de loin en loin vont permettre une solidarité entre les travailleurs, les ouvriers de l'Europe occidentale. Alors il y a beaucoup d'ouvriers français, allemands, belges ou autres qui à l'époque peuvent être soit installés à Londres, soit circuler entre les divers pays européens. La condition même de création de cette association, elle est rendue possible par un abaissement des coûts de déplacement, de migration, et puis grâce au capitalisme. Alors. D'une certaine façon, mais c'est là où cette association en fait embrasse aussi les conditions nouvelles qui sont rendues possibles par des avancées technologiques, économiques, et aussi un moment où même si ces militants vont être surveillés de très près, ils ont quand même une relative liberté de mouvement. Et donc ce qu'on trouve à Londres, ça va être effectivement tout un milieu en exil, avec beaucoup de travailleurs allemands, suisses, qui vont exercer des fonctions de correspondance, c'est-à-dire qui vont être responsables du suivi de plusieurs pays européens. Et une partie de leur activité va consister à essayer de glaner des informations, à échanger des lettres quotidiennement avec les sections créées localement à Paris, à Lyon, à Marseille, à Genève, à Bâle, dans des villes allemandes, etc. etc. Donc au-delà de l'organisation et des personnes mêmes, ce qui va fonder la possibilité du développement de ce type d'association, c'est l'échange régulier d'informations, de journaux, d'une correspondance qui tisse la trame de ces échanges et de ces petites solidarités qui vont se créer progressivement. Mais alors, tout de même, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de base idéologique au départ à cette Association internationale du travail. Donc c'est aussi un peu, cette première internationale est un peu une sorte de désordre où il y a des proudhoniens, il y a des gens qui viennent de l'anarchisme, Bakounine, il y a évidemment Marx, Engels et d'autres, il y a les trade unions britanniques qui ont leur propre ligne politique d'une certaine façon. Comment fait-on pour s'entendre dans un premier temps entre toutes ces façons de voir la lutte et l'entraide des travailleurs entre eux? Lorsque vous créez une association de ce type, d'abord il faut avoir conscience du caractère tout à fait prométhéen de ce qu'ils étaient en train d'entreprendre. C'est-à-dire qu'ils créaient une association internationale il y a 150 ans, avec certes des moyens nouveaux, mais malgré tout un contexte qui n'était pas complètement favorable. Dans un premier temps, vous êtes obligé d'être accueillant. Et donc le principe, c'est bien sûr d'essayer d'agréger rapidement des centaines, des milliers de militants et leurs représentants, ou ceux qui vont se désigner progressivement comme leurs représentants, pour essayer de construire un projet commun. Et donc la diversité même, elle est constitutive de l'association. Si elle avait été dès le départ, adossée à un projet extrêmement restreint, elle n'aurait pas pu faire agréger ces diverses personnalités. Ensuite, je pense qu'on a tendance à juger rétrospectivement de la dureté des conflits qui l'ont tiraillé et divisé. En réalité, l'expérience, elle est fondatrice, elle est créatrice, parce que précisément, elle va conduire à ce qu'on précise les contours de ce qu'on va appeler l'anarchisme, le proudhonisme, le collectivisme marxisme. Et les acteurs, au début, quand ils vont se retrouver, n'ont pas exactement conscience de leurs différences de projet. Ils sont déjà vus. Beaucoup d'entre eux autour de Marx à Paris dans les années 1844. Certes, mais il ne faut pas s'exagérer leur lucidité vis-à-vis de leur conception idéologique et intellectuelle. Marx, à l'époque, n'a pas publié Le Capital encore. Il le publiera en 1867, le premier volume. Il est en train de l'écrire. Au moment où il est en train d'animer cette association, où il est vraiment une des chevilles ouvrières impliquées directement avec d'autres, mais il joue un rôle fondamental, il est en train de travailler au premier volume du Capital. Et le temps que Le Capital soit traduit, lu, assimilé, l'image que se font les militants de Marx n'est pas du tout celle qu'on peut avoir aujourd'hui en disant c'est le promoteur de la révolution avec sa lecture matérialiste du capitalisme. Donc il y a bien sûr des solidarités militantes, mais une des thèses du livre, c'est de montrer que les différences qui vont progressivement justement dessiner des cultures de gauche ouvrière parfois dissemblables, elles se produisent dans les interactions, les débats, les conflits qu'ils vont devoir affronter dans leurs congrès, dans leurs réunions de section, autour de questions à la fois théoriques mais aussi souvent de questions pratiques. Oui, et la pratique fait un lien avec les questions plus idéologiques ou plus intellectuelles qui vont nourrir ces cultures politiques. Alors, une des questions pratiques, quand on est une organisation internationale, c'est comment on se finance. Alors, il y a un gros chapitre de la lutte et l'entraide autour de cette question-là, parce que si on est justement dans ce militantisme ouvrier, il faut bien aider des ouvriers qui n'en ont pas les moyens de venir à Londres pour participer au congrès, ou dans les autres villes où se tiennent les congrès dans les années 1870, mais tout de même, c'est une question, et puis c'est de savoir si on peut faire du profit avec l'argent qui nous est confié par ces travailleurs de l'Europe entière. Est-ce qu'on a le droit au prêt à intérêt? Tout cela, vous insistez beaucoup sur ces débats théoriques qui sont en fait fondés sur la question de comment faire vivre une organisation internationale quand on n'a pas d'argent et quand on n'a pas de mécène. C'est une question fondamentale pour un mouvement ouvrier d'inspiration anticapitaliste, pour le dire vite. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la volonté de s'émanciper du pouvoir de l'argent, de l'aliénation que représente l'argent, et de l'autre, la conscience très lucide qu'il n'y aura pas d'efficacité des mobilisations sans ressources pour contrer le capital, le patronat, ou une autre institution qui embête beaucoup les militants, c'est l'Église catholique, qui est certes sur le déclin à l'époque, mais qui a, elle, la possibilité de lever des fonds de manière transnationale, et souvent ils observent ce que font les différents acteurs autour d'eux, en se disant, une des conditions de notre émancipation, c'est que nous soyons capables de mettre en commun nos ressources pour que celles-ci ne soient pas déviées, détournées au profit soit de nos employeurs, de patrons ou d'autres instances élitistes de la société, mais qu'elles viennent servir nos projets de secours et de défense mutuelle, avec cette idée notamment que l'ouvrier, le militant qui va rejoindre l'association, va pouvoir accéder à des services, une prestation. C'est un réseau auquel on adhère qui va pouvoir notamment apporter un secours en cas de grève, en cas de difficulté de répression ou autre. Et aussi loger des militants qui se déplacent pour un congrès ou pour rencontrer d'autres militants dans un pays étranger, trouver les moyens justement de subvenir à leurs besoins quand ils ont des difficultés financières. Oui, c'est un réseau de solidarité. Donc on y adhère et ça ouvre des droits. Et ça va être pensé sous le registre des droits. Mais la contrepartie, qui est présentée explicitement dès le départ, ce sont les devoirs des militants vis-à-vis de l'organisation. Et donc une des devises de l'association, très précocement, consiste à énoncer le principe « pas de droit sans devoir, pas de devoir sans droit ». Et l'un des premiers devoirs des militants, alors ça va bien sûr être de s'impliquer, de se mobiliser lorsqu'il y a des luttes, des grèves, des actions collectives, mais surtout de cotiser. Et donc c'est une question très prosaïque, très pragmatique, mais en fait qui est une question fondamentale. Comment on transporte de l'argent l'argent à Londres. Comment on fait que pour que les quelques sous que l'on donne à Berne ou à Marseille finissent par arriver sans détournement d'argent, sans faire confiance aux banques parce que les banquiers sont des banquiers privés. Enfin, toutes ces questions-là sont des questions passionnantes. Oui, alors d'abord l'argent va rester localement. C'est même avant même que les ouvriers se posent la question de savoir que vont-ils faire de mon argent à Londres, il faut déjà trouver des personnes de confiance qui vont gérer collectivement. Place. C'est toute l'histoire de l'associationnisme ouvrier. Des choses qui peuvent nous paraître évidentes aujourd'hui, mais qui en même temps sont toujours source de nombreux conflits, désaccords. C'est la vie des associations. Tout le monde a fait cette expérience-là. Là, les militants le découvrent d'abord à une échelle locale. C'est-à-dire qu'il faut aller convaincre les ouvriers qu'il est dans leur intérêt de participer à cette cause collective et qu'ils peuvent faire confiance aux personnes qui vont, les trésoriers notamment, c'est une figure militante classique de l'époque, qui va mettre en avant son intégrité, son efficacité pour gérer les fonds et les dépenser au service de tous. Ce qu'ajoute d'encore plus compliqué l'Association internationale des travailleurs, c'est que à Londres, effectivement, les membres du Conseil général exigent de se voir transférer une partie de la cotisation pour nourrir les pouvoirs d'organisation centrale de l'association. Alors certains militants vont s'y opposer férocement, en disant que c'est une façon de reconstituer une organisation bureaucratique et que tout le combat de l'émancipation ouvrière, c'est d'éviter justement la dépendance vis-à-vis d'organisations qui le dépassent. Et puis d'autres vont insister sur le fait que le Conseil général a besoin de pouvoir d'abord coordonner les luttes, de s'informer, donc d'avoir des moyens de faire vivre. Et certains, il va compter en son sein un ou deux militants qui vont être en partie rémunérés pour leurs actions. Et puis il y a cette idée aussi d'organiser l'entraide à l'échelle européenne. Mmh. Et donc de pouvoir rediriger les fonds pour organiser cette solidarité. Lors de grève, par exemple. Alors, et la grève étant le moment symbolique le plus important, puisque dans les années 1860 et par la suite au 19e siècle, vont se multiplier des conflits de travail dans plusieurs pays européens. Et c'est une époque où les mouvements ouvriers sont assez peu organisés à une échelle nationale. Donc beaucoup de ces mouvements vont se tourner assez rapidement vers l'organisation internationale, vers l'Association internationale des travailleurs, pour appeler à l'aide. Et une des formes de l'aide qui est possible, c'est bien sûr de publier des manifestes, des déclarations de soutien, donc de jouer sur une indignation collective. Mais ça va être aussi d'ouvrir très concrètement des souscriptions. Et la souscription est le procédé le plus classique utilisé à l'époque pour tenter de manifester cette solidarité à la fois affective et matérielle vis-à-vis des ouvriers en lutte. Alors, ce qui est très intéressant, évidemment, c'est que comme c'est une forme nouvelle, cette Organisation internationale des travailleurs, cette Association internationale des travailleurs dite Première internationale, les pouvoirs politiques de ces années-là s'en méfient. Ils ne savent pas très bien quoi penser de cette association qui se crée, et en particulier dans des pouvoirs qui se durcissent à certains moments dans certains pays européens. On va donc tenter d'arrêter des militants, d'arrêter des membres de l'organisation en imaginant, et il y a un chapitre très intéressant de votre livre La lutte et l'entraide sur ce point, Nicolas Delalande, qu'elle est plus organisée, plus importante, une sorte de pieuvre des travailleurs sur le continent européen, alors que vous nous montrez le bricolage absolu de cette organisation. C'est l'origine du mythe de l'international, de cette international révolutionnaire qui va continuer d'être très actif dans l'opinion publique, mais surtout chez les responsables policiers ou politiques à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, les autorités vont être piégées parce qu'elles vont prendre au pied de la lettre les intentions manifestées dans les textes publiés par les militants eux-mêmes. Et les militants vont en jouer aussi. Ils en jouent parce que une importance qu'ils n'ont pas parce encore. Ils veulent construire le crédit de leur institution. Et le crédit, c'est notamment la capacité à faire peur, à impressionner. Et quand on bascule de l'autre côté et qu'on regarde précisément les échanges de correspondances, les lettres, procès-verbaux du Conseil général, on voit à quel point ces militants ont conscience de la précarité en fait de ce qu'ils sont en train de construire, de la difficulté, et parfois ils sont même embêtés parce qu'ils se posent des questions qui sont des questions que se posent aussi des fonctionnaires à l'époque. Quand on disait tout à l'heure comment faire rentrer les cotisations, certains vont commencer à imaginer des dispositifs de surveillance, de sanctions, d'identification. Donc bâtir une organisation, qu'elle soit ouvrière ou pas, suppose d'établir assez tôt des règles, des procédures, de se mettre d'accord sur la manière de procéder. Et de se méfier des mouchards, par exemple. Alors, il faut se méfier des mouchards, mais il faut aussi se méfier d'autres militants qui ne seraient pas forcément animés des meilleures intentions ou qui pourraient avoir des visées idéologiques différentes. Donc, ce qui doit se construire, plus prosaïquement, c'est la confiance. La confiance entre des militants qui ne se connaissent pas. Et donc là, c'est quand même quelque chose de... Il faut se remettre dans l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution qui soit antérieure. On peut pas identifier un militant qui vient toquer à la porte en disant « je suis intéressé par votre action collective » en essayant de s'appuyer sur la réputation de l'institution à laquelle il appartient. Il faut donc très créer des cartes de militants, de militantistes, d'adhérents. D'abord, il faut discuter, il faut se rencontrer, et puis ensuite, il faut essayer de créer des signes de reconnaissance. Donc, notamment, un des débats très prosaïques qui anime les membres du Conseil Général, effectivement, c'est la publication, l'impression des cartes de membres qui doivent permettre de compter. D'abord, il y a l'idée de on veut se compter, combien sommes-nous ? Et une des obsessions de l'autre côté du miroir des policiers, c'est de mettre la main sur des listes. Oui, alors évidemment, les militants ne sont pas complètement idiots, ils ne tiennent pas de liste complète de leurs membres avec leurs adresses qui pourraient les conduire directement donc devant le juge ou en prison. Mais en revanche, ils veulent s'identifier parce que évidemment, il y a cette peur des mouchards, mais il y a cette volonté de créer cette équivalence entre les droits et les devoirs. Et donc, sur les cartes de membres de l'Association internationale des travailleurs, on y inclut une mention pour savoir si les membres sont ou non à jour de cotisation. Ce qui peut ensuite donner le droit... Le timbre. Un timbre, c'est l'invention. Ils débattent du timbre dès cette époque-là, qui va ensuite devenir le timbre syndical. Et ça ouvre un certain nombre de droits, parce que l'idée tout à fait novatrice qu'avaient les militants de l'époque, c'était de considérer, par exemple, qu'un militant de l'Association internationale des travailleurs, lorsqu'il voyageait à l'étranger, pouvait être accueilli par une section à l'étranger. Donc, il pouvait se présenter avec sa carte de membre pour s'authentifier et dire « Eh bien, je suis membre de ce vaste réseau de solidarité. Accueillez-moi, donnez-moi quelques nuits d'hébergement, un peu de voilà le gîte. Et puis, ensuite, aussi, vous pouvez m'intégrer à vos actions collectives. » Mais la contrepartie de ça, c'était d'être sûr que les membres qui arrivaient avaient bien, effectivement, participé, adhéré localement et contribué à cette œuvre commune. Et il faut penser, effectivement, que nous ne sommes pas dans une Europe qui pratique très fréquemment les langues autres que la sienne, et donc il faut aussi imaginer les traductions, la langue, savoir en quelle langue on parle. Alors évidemment, des gens comme Marx, qui avait fui beaucoup de pays, parlait beaucoup de langues, mais ils n'étaient pas si nombreux que cela. Et puis, il y a les débats, par exemple, qui avaient déjà été entamés lors de la présence de Marx à Paris avec les Proudhoniens, autour des façons de faire une organisation, par exemple, de financer cette organisation. Les Proudhoniens, vous expliquez très bien qu'ils sont favorable à la question du crédit ouvrier gratuit et que cela pose des questions énormes à une association comme celle-ci. Qu'est-ce que le crédit ouvrier est gratuit tel que le voulait Proudhon, par exemple, et en quoi pose-t-il des problèmes, ce crédit ouvrier gratuit, à une organisation comme la Première Internationale, Nicolas Delalande? Là, ça renvoie à des aspirations qui émergent dès les années 1830-1840. Donc, effectivement, du point de vue de l'histoire des idées, de l'histoire des cultures politiques, on a bien mis en évidence la prégnance de cet horizon émancipateur du crédit, à la fois chez des militants ouvriers, mais aussi chez des militants saint-simoniens, qu'on pourrait dire bourgeois, réformateurs, dès les années 1830. Il y a une utopie très forte, il y a plein d'utopies au 19e siècle. De banque du peuple, quoi. Il y a une des utopies qui est celle que le crédit, dès lors qu'il peut être mis au service des ouvriers, non pas seulement au service des États ou du patronat ou des caisses d'épargne tenues par les élites libérales, peut être un instrument d'émancipation, de construction de projets collectifs. Et donc il y a eu des premières expérimentations qui ont fait long feu dès 1848, le fameux thème de la banque du peuple, de redonner au peuple les moyens de se financer, en fait, donc que les ouvriers détiennent eux-mêmes des institutions financières avec des pratiques différentes, et cette utopie du crédit gratuit, c'est-à-dire de la possibilité de se prêter des fonds sans intérêt, mais avec un objectif de réciprocité. Donc il y a tout un ensemble de débats intellectuels, échange égal, réciprocité. C'est des débats et des théories qui sont encore très présentes dans les années 1860. Alors chez une partie des militants français, finalement, qu'on va rattacher à l'orbite proudhonienne, même si Proudhon meurt en fait en 1865, mais c'est aussi des idées qui sont partagées par des militants belges, suisses ou autres, qui vont susciter de plus en plus le scepticisme de ceux qui vont être sur une lecture plus radicale de critique du capitalisme, qui pensent que il faut d'abord mettre en avant des thèmes tels que la collectivisation du sol, enfin voilà, donc une forme de construction d'une propriété collective, beaucoup plus critique vis-à-vis de la notion de propriété privée. Mais ce que j'observe dans l'association, c'est qu'en pratique, et c'était une des surprises en fait de l'enquête, lorsque des groupements ouvriers qui ne se connaissent pas à distance dans différents pays vont se prêter assistance lors de grèves notamment, plutôt que se donner de l'argent, ils vont se le prêter. Et c'est très clairement inscrit dans les sources, on se prête de l'argent. On ne signe pas un contrat en disant vous allez me le rendre à telle date, à telle échéance, mais on publie des adresses dans lesquelles justement on insiste sur le devoir et la dette morale et matérielle qui est impliquée par ces formes d'assistance. Et le prêt, à l'époque, est conçu comme supérieur sur le plan moral, sur le plan de l'émancipation au don, parce qu'il permet en fait de responsabiliser et de créer la réciprocité généralisée que souhaitent encourager les militants. Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Lichte empor, hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor. Hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor. Seht, wie der Zug von Millionen endlos aus mächtigem quillt, bis eure Sehnsucht verlangen Himmel und Nacht überschwillt, bis eure Sehnsucht verlangen Himmel und Nacht überschwillt. Brüder, in eins nun die Hände, Brüder, das Sterben verlacht, ewig der Sklaverei ein Ende, heilig die letzte Schlacht. Ewig der Sklaverei ein Ende, heilig die letzte Schlacht. Un chant du mouvement ouvrier allemand composé en 1897 et interprété ici par Hein Kroeher et Os Kroeher. Nous sommes avec vous donc Nicolas Delalande à propos de votre livre La lutte et l'entraide qui raconte la naissance et le développement jusqu'en 1914, jusqu'à la Première Guerre mondiale, de l'Association internationale des travailleurs et des suites évidemment de cette Association internationale des travailleurs qui va se scinder disparaître en 1872. Nous sommes avec vous pour évoquer justement ces grèves en particulier qui donnent lieu à cette solidarité internationale qui est au cœur même de cette volonté de création de l'Association internationale des travailleurs, dite Première internationale. Ces grèves, par exemple, on peut citer les grèves du Creusot en 1870, mais il y en a aussi en Belgique, dans le Borinage ou dans d'autres usines qui ont été fondées par Cockerill en particulier. Ce sont des grèves qui donnent lieu justement à cette solidarité en fait, en acte qui était voulu par les créateurs. Oui, une des pratiques qui se généralise à l'époque, c'est ce que j'ai mentionné précédemment, l'ouverture de souscriptions lorsque des ouvriers d'ailleurs sont en grève. Et ceux-ci vont s'adresser et se tourner vers la solidarité locale, bien sûr, mais aussi internationale, parce que l'un des enjeux, c'est de pouvoir tenir suffisamment longtemps pour ne pas être obligé de céder aux conditions que souhaitent imposer les patrons. Donc un des critères fondamentaux de la réussite d'une grève, c'est sa capacité d'abord à tenir le collectif, à souder le collectif, éviter que certains sortent du jeu, à y négocier différemment ou acceptent les conditions du patron, et puis surtout de subvenir aux besoins des grévistes et de leurs familles. Et ce qui explique à quel point à l'époque, l'argent qui peut être collecté, envoyé et prêté de l'étranger notamment, joue un rôle important et va être un des moteur justement de construction de l'association, une des possibilités pour elle de faire venir à elle de nouveaux militants et en même temps inquiéter de plus en plus les autorités. Alors en même temps l'association et ses membres sont divisés, tous ne sont pas des grands défenseurs de la grève parce qu'il y a un débat qui se précise à l'époque, il y a un débat philosophique, intellectuel et économique de savoir si la grève n'est pas finalement simplement une manière de reconduire le rapport salarial plutôt que de le détruire. Et on va voir comment dès les années 1865 demander une augmentation de son salaire, c'est accepter qu'il y ait des salaires. C'est accepter l'aliénation du salaire, par le salaire. Mais c'est, malgré tout, défendre collectivement une meilleure rémunération, une réduction de la durée du travail ou protester contre l'arbitraire patronal. Parmi les grèves que vous avez citées, une de celles qui effectivement a été très discutée à l'époque est celle de qui a lieu au Creusot, dans le fief des Schneidres en 1870 et qui est hautement symbolique parce que elle fissure le modèle paternaliste qui existait depuis les années 1840-1850 avec cette idée que le patron d'usine était comme le père hein, de ses ouvriers, qu'il était bienveillant vis-à-vis d'eux, il pouvait mettre à leur disposition des services collectifs, hein, des logements ouvriers, des petits jardins, des dispensaires, un économat, des cours pour les enfants. À condition qu'ils ne prennent pas le pouvoir au sein de... À condition qu'ils ne s'organisent pas et qu'ils ne se créent pas de syndicats. Et ce qu'on voit émerger dans beaucoup de pays dans les années 1860, hein, Angleterre mis à part où c'est antérieur, c'est justement ces proto-formes d'organisation syndicale, à l'époque on appelle ça des sociétés de résistance ou des chambres syndicales, qui vont avoir pour premier objectif de défendre le droit des ouvriers à s'organiser collectivement, et notamment à avoir le contrôle sur les caisses de prévoyance qui ont été créées par les patrons paternalistes dès les années 1850-1860. Donc un des premiers motifs de développement, de surgissement de la grève au Creusot en janvier 1870, c'est la revendication par les ouvriers des Schneidres de pouvoir contrôler eux-mêmes la caisse de prévoyance qui effectivement va leur apporter des secours, mais que Schneidre avait créé en imposant de manière arbitraire, unilatérale, sans leur demander leur avis, en exigeant des ouvriers une retenue sur salaire qui existait depuis 1860. Ce que disent les ouvriers, et ce qui rejoint les aspirations de tout un ensemble du mouvement ouvrier de l'époque, c'est de dire que l'émancipation, elle suppose de reprendre le contrôle de son argent. Et qu'on doit pouvoir créer des sociétés de secours mutuelles en développant des formes d'action communes, mais sans être dépendant soit du patron, soit des élites libérales qui promeuvent les caisses d'épargne, ou des pratiques charitables des gens d'église ou autres. Donc créer les conditions d'une émancipation collective. Ce qui est au cœur de cette question, c'est la question de la dignité, c'est la question de l'honneur des ouvriers à se gouverner eux-mêmes et à ne pas être gouvernés par d'autres. D'autres exemples, c'est évidemment les grèves, ce sont les grèves du borinage, donc en 1869, ou encore les ouvriers peddlers de Serein, toujours en 1869, qui sont des grèves aussi emblématiques parce que cela montre que cette grève se multiplie dans les années 1860, qu'elle devient un mode d'action, et quand on a lu la thèse de Michel Perrault sur ce sujet-là, on sait combien c'est devenu très important, y compris pour les élites libérales à qui cette multiplication des grèves fait peur. Et évidemment, il faut montrer que les ouvriers de l'Europe entière sont solidaires avec ceux qui se mettent en grève. Oui, alors dans le cas des grèves belges, notamment à Serein, donc, qui est le bastion de John Cockerill, qui avait fondé cette première activité métallurgique dès le début du XIXe siècle, ou dans le Borinage, autour de Charleroi et de Mons, un des faits significatifs, c'est qu'on voit se mobiliser des catégories d'ouvriers qui étaient assez peu présentes au début de la Première Internationale. Ce dont on a parlé depuis le début, en fait, concerne essentiellement ce qu'on va appeler des ouvriers de métier. Des ouvriers assez qualifiés, très bien organisés, et qui ne sont pas les ouvriers qu'on associe traditionnellement au prolétariat, si vous voulez, à la grande usine, à la mine ou à la métallurgie. Donc c'est un des enjeux pour la Première Internationale, c'est comment dépasser le cercle sociologique de ces métiers hautement qualifiés que peuvent être les typographes, les cigariers, on y retrouve aussi les ouvriers du bâtiment, les bronziers qui sont très impliqués dans l'association. Mais comment on va aussi vers des ouvriers impliqués dans les nouvelles activités, notamment la sidérurgie, la métallurgie. Donc les grèves sont symboliques au Creusot aussi bien qu'en Belgique en 1869. Et celle de Belgique l'est à un deuxième titre parce qu'elle est très férocement réprimée. Donc là où la Première Internationale va agir dans ce cadre-là, c'est pour dénoncer ce qu'on va appeler les massacres belges, donc la violence de la répression, puisqu'on sait bien qu'à l'époque, lorsque les grèves tournent mal et que les patrons n'hésitent pas donc à s'appuyer directement sur les pouvoirs publics et à appeler à la répression, on envoie la troupe, on envoie l'armée, donc ce qui produit bien sûr alors des violences très fortes contre les manifestants, contre leurs familles. Et donc là, la Première Internationale, elle va essayer de mobiliser, au-delà du seul cas belge, par-delà les frontières, pour dénoncer l'iniquité, la violence, l'arbitraire de cette répression exercée contre des ouvriers qui sont en train d'inventer des formes d'action collective. Elles existaient à l'état embryonnaire auparavant, mais ce qu'ils revendiquent juste, c'est le droit justement d'avoir revendications, des demandes communes et de s'auto-gouverner, comme vous le disiez. Dans des secteurs, effectivement, qui sont des secteurs nouveaux, qui vont devenir les secteurs principaux de la lutte ouvrière, c'est-à-dire les mines. On est mineur auparavant en étant paysan, on travaille dans une usine en faisant autre chose à côté, on va devenir des ouvriers d'usine ou des ouvriers des mines. C'est donc très important, cette mutation-là de la deuxième moitié du 19e siècle, Nicolas Delalande. Et il y a aussi autre chose, c'est que on a l'habitude depuis au moins le 18e siècle de voir des ouvriers qualifiés qui parcourent l'Europe à la recherche de travail et qui parfois cassent le marché du travail. On peut déplacer telle ou telle usine à tel ou tel endroit si la main-d'œuvre est moins chère. Et une des intentions de ceux qui développent cette association internationale de travailleurs, en particulier venant de l'Angleterre, c'est de se dire, eh bien, si on unifie notre mouvement, on unifiera les conditions de travail, on unifiera les salaires, peut-être, ou pourquoi pas, Et donc, on évitera d'avoir le travail de dumping qui est voulu par le patronat quand il embauche moins cher des gens qui peuvent travailler pour une somme bien plus minime que celle que pour laquelle il nous paye. Il y a une valeur fondamentale que défendent les militants de l'époque, c'est la liberté de mouvement. Donc il est hors de question de considérer que les ouvriers doivent être assignés à résidence. L'émancipation, la liberté, le droit de se déplacer est un droit fondamental des ouvriers. Ça renvoie à la lutte contre livrés ouvriers. C'est-à-dire que justement, la contrainte exercée par l'entreprise ou par le patronat vise à limiter cette capacité des ouvriers à se déplacer. Donc on est très attaché, et ça va être rappelé jusqu'au début du XXe siècle, à cette possibilité des ouvriers de se déplacer pour soit une multi-activité, hein, de manière saisonnière, mais soit aussi pour protester lorsqu'ils considèrent qu'à tel endroit, les conditions ne sont plus favorables. Et on voit effectivement, selon les métiers, hein, ça ne concerne pas tous les métiers bien sûr, mais il y a certains métiers qui sont organisés de matière transnationale, transfrontalière. Et la question des frontières à l'époque, bien sûr, les frontières existent, mais elles n'ont pas la dureté, la rigidité qu'elles vont acquérir au tournant du XXe siècle encore. De l'autre côté, ils ont aussi conscience que la mobilité, la migration, elle peut être utilisée par les patrons pour casser les grèves, pour apporter de la main-d'œuvre. Et alors, c'est une question à laquelle sont très sensibles les ouvriers anglais, puisqu'ils sont très grévistes, hein. Il y a une forme d'action collective très poussée depuis notamment les années 1859-1860. Les ouvriers anglais vont multiplier les grèves dans les années 1860. Et une des stratégies qui existe dès l'époque, hein, qui est tout à fait faisable et pratiquée, c'est pour les patrons d'importer, alors soit de la main d'œuvre issue des campagnes, hein, mais dès l'époque aussi d'importer des travailleurs venus de Belgique, venus de Hollande, venus de l'autre côté de la Manche. Donc un des objectifs des militants, notamment ouvriers anglais qui adhèrent à la Première Internationale, c'est de dire nous sommes tout à fait ouverts à la solidarité ouvrière internationale. C'est un beau combat, sont de belles valeurs, c'est quelque chose qu'il faut pousser ensemble. Mais surtout, ça va nous permettre d'éviter de jouer les uns contre les autres. Donc il y a une réflexion sur la concurrence que les ouvriers peuvent se faire entre eux, avec ce terme qui est utilisé par certains militants de l'époque, c'est-à-dire que tout l'objectif est de passer de l'insolidarité à la solidarité. Le terme d'insolidarité, on le connaît plus trop dans le vocabulaire actuel, mais en fait, il est présent dans les réflexions. C'est de considérer que la solidarité, c'est pas seulement une prise de conscience intellectuelle, idéologique, qu'on partage des combats communs, mais c'est d'agir de telle sorte que ces actes ne soient pas et ne s'exercent pas au détriment des autres. D'où la volonté, notamment, d'utiliser l'internationalisme, la Première Internationale et d'autres, pour faire circuler l'information. Nous sommes en grève à tel moment, si quelqu'un vient vous promettre du travail à Londres ou ailleurs, sachez qu'en réalité, c'est parce que nous sommes en train de négocier, nous exigeons une meilleure rémunération. Donc, casser ces flux saisonniers qui peuvent parfois durer 3-4 semaines de travailleurs étrangers, non pas pour dire chacun chez soi, mais pour dire nous devons être les maîtres de la mobilité que nous organisons à notre profit et pas au profit du capital. Alors une des questions qu'on peut se poser et qu'on se pose en cabine pendant qu'on est en train de discuter, c'est où sont les femmes ? Parce que il y a beaucoup de barbus, beaucoup de moustachus dans ce que vous décrivez. Qui sont les militantes qui rejoignent cette association internationale des travailleurs ? Y a-t-il une association internationale des travailleuses ? Qu'est-ce qu'on en sait de cela ? Parce que tout de même, il n'y a pas que les hommes qui travaillent en usine et qui sont les ouvriers de la fin du 19e siècle. Bien sûr. Alors, sur le versant international vraiment des femmes, c'est quelque chose qui naîtra dans le sillage de la Deuxième Internationale, dans les années 1900, notamment en 1907, derrière la figure de la militante Clara Zetkin, social-démocrate allemande. Donc là, il y aura une féminisation beaucoup plus poussée. Dans les années 1860, il y a des grèves de femmes, notamment la grève des ovalistes de Lyon, qui est bien connue en 1869, où là, de très nombreuses femmes vont adhérer à l'association rejoindre ses rangs. Mais ça va poser des problèmes, hein. Il faut quand même pas idéaliser les ouvriers de l'époque ou ceux d'après, il peut y avoir des comportements de domination vis-à-vis des femmes, tout à fait. Donc une des questions qui va être posée à ce moment-là, c'est est-ce que les ovalistes de Lyon, donc ces deux ouvrières de la soie, hein, qui vont se mettre en grève, qui vont obtenir le soutien de l'international, qui vont adhérer à cette association, peuvent-elles envoyer ou non des représentants au congrès annuel de l'association ? Donc certains vont se déclarer favorables, mais finalement elles seront représentées par des hommes. Donc il y a cette question de, notamment, elles sont laissées en dehors de la représentation. Elles sont très présentes dans les discours, dans les discussions. Il faut aussi se rappeler qu'il y a une partie des militants de l'époque, hein, notamment ceux qu'on va mettre derrière la bannière du proudhonisme, qui sont hostiles au travail féminin. ils vont considérer que la place des femmes n'est pas à l'usine ou dans l'atelier, que c'est une forme de concurrence utilisée par les patrons pour briser les salaires. Mmh. Donc il y a des gens qui sont tout à fait rétrogrades de ce point de vue-là. Il y a un grand débat qui est organisé en 1866 par l'AIT à ce sujet-là, où très clairement, justement, les militants prennent position. Il y a des gens qui sont tout à fait progressistes, qui sont pour l'émancipation et qui sont déjà féministes, mais ils doivent aussi composer avec ces milieux-là. Après, les femmes sont aussi présentes parce qu'elles sont bénéficiaires de l'aide malgré tout qui est versée. Lors des grèves du Creusot, les femmes sont présentes, elles se mobilisent. Elles sont utilisées, je dirais, d'un point de vue rhétorique, davantage dans les appels à souscription et les adresses comme des victimes collatérales des conflits industriels. Celles qu'on va aider, on va notamment mobiliser les émotions autour de la figure des femmes et des enfants, des veuves et des orphelins laissés en marge des combats ouvriers, donc victimes de la dureté du capital et de la répression. Mais clairement, le monde ouvrier de l'époque est à la fois un monde qui a ensuite été décrit de manière quasiment comme une sorte d'aristocratie ouvrière, hein, parce que ça exclut aussi des travailleurs agricoles, ça peut être, ils peuvent aussi voir d'un mauvais œil d'autres travailleurs étrangers dès lors qu'ils sont moins organisés. Et il y a encore, à cette époque-là, une relative difficulté à intégrer les femmes, même s'il y a des militantes féministes qui sont des figures importantes, mais qui ont du mal à accéder aux positions vraiment de pouvoir au sein de l'association. Alors, il faut arriver au terme de notre discussion. Il nous reste quelques minutes pour terminer cette discussion avec vous, Nicolas Delalande, autour de l'Association internationale des travailleurs, et en particulier se poser la question de l'impact de la Commune, de sa répression sur cette association, puisque d'une certaine façon, si on vous lit, on comprend que cette Commune a été très importante pour la fin de cette première internationale en 1872, avec la scission donc entre Bakounine et ceux qui le soutiennent, et Marx et ceux qui le soutiennent. Pourquoi la Commune est-elle importante pour comprendre cette fin de première internationale au début des années 1870, Nicolas Delalande? Certains conflits lui sont antérieurs, bien sûr. Mais ce qu'elle va manifester, c'est d'un côté, bien sûr, un passage à une action concrète, hein, de revendication, justement, d'autogestion, de fédéralisme municipal, qui va polariser l'attention. Donc la plupart des militants de l'association, bien sûr, vont dénoncer très fortement la répression exercée par les autorités de Versailles, notamment la Semaine sanglante. Donc ça, il y a un grand mouvement de solidarité qui va être lancé pour venir en aide aux déportés, proscrits, victimes de la répression. Mais en même temps, ça pose des questions qui vont diviser le mouvement sur le plan des objectifs politiques et sur le plan des combats à mener. Une partie des militants britanniques vont soutenir la Commune dans le sens où ils vont dénoncer notamment la très forte répression dont elle est l'objet. Mais ils vont certains vont être effrayés par éventuellement les exécutions d'otages ou autres, donc des violences qui sont rapportées dans les journaux. Ou même le discours des... Mais même si le discours des membres de la Commune, justement, pour certains, est beaucoup plus tiède que ce qu'on a pu, enfin, entre guillemets, hein, je veux dire, que ce qu'on a pu imaginer à l'époque. C'est-à-dire qu'en partie, le mouvement ouvrier ne va cesser dans les années qui suivent de débattre de ce qui a été fait sous la Commune. Pourquoi n'a-t-on pas... Un des militants, par exemple, qui était responsable en partie des questions financières, Eugène Varlin, auquel a été consacré deux livres récemment, a été celui de Jacques ceux... Rougerie vient de sortir. Voilà, c'est ça. A été de ceux qui, notamment, ont considéré que les communards ne devaient pas s'emparer des fonds de la Banque de France, enfin des réserves de la Banque de France. Ce qui, 10 ans plus tard, est vu comme comme une des sources de l'échec, de l'épuisement, de la timidité du mouvement. Mais en réalité, beaucoup de militants de la Commune sont assez légalistes. Ils veulent défendre l'autonomie municipale, mais tracer des limites assez nettes entre ce qui relève de la Commune de Paris et des ressources qui appartiennent à l'État-nation, à la France ou autre. Et ils ne sont pas tous directement, si vous voulez, des expropriateurs. Ils vont réfléchir à ces questions de manière assez fine et précise. Donc il va y avoir des lectures divergentes sur ce qui s'est déroulé, sur l'opportunité. La question religieuse aussi va diviser les militants ouvriers. C'est-à-dire que l'anticléricalisme est beaucoup moins vif dans d'autres pays. Donc c'est une question qui va traverser. Puis après, ce que j'essaye de montrer, c'est que évidemment, la Commune, c'est à la fois l'apogée de ce mouvement. Alors, contrairement à ce qui était dit par les autorités de l'époque, l'international n'est pas derrière la Commune. C'est ce que montre très bien Quentin de Luermoz dans un livre qui paraîtra bientôt. Les internationalistes y sont, mais il y a d'autres courants très nombreux. Et les internationalistes, parfois, vont être en conflit avec des insurrectionnels, des blanquistes. Donc là, il y a des désaccords potentiels. Mais là où ça met à rude épreuve l'association, c'est que ensuite, les militants, notamment, qui sont envoyés un peu aux quatre coins de l'Europe, qui sont obligés de fuir la répression, vont être accueillis par ce réseau de solidarité, mais en même temps vont être déçus par justement ces désaccords potentiels qui vont surgir lorsqu'il s'agit de leur verser une assistance, de les soutenir. Et ça va faire très vite long feu. Ça fait long feu, et c'est aussi dans ce contexte-là que se durcissent les oppositions à la fois idéologiques et les conflits de pouvoir entre ce qui va être donc à l'origine de l'éclatement de la première internationale en 1870, ce qui est bien connu par la suite, c'est l'affrontement entre des gens davantage proches de Bakounine, de la fédération jurassienne, c'est-à-dire plutôt anti-autoritaire, et de l'autre, ceux qui vont être présentés autour de Marx, d'Engels ou d'autres comme des collectivistes autoritaires. Donc c'est le langage qu'utilisent les acteurs de l'époque. Et donc là, effectivement, il y a une fragmentation du mouvement, et les structures institutionnelles ne résistent pas à la vigueur, à la dureté des conflits, à la fois de personnes, de pouvoir et idéologique, qui finalement se clarifie dans les années 1871, 72, 73. Et donc, avant la naissance de la Deuxième Internationale, on n'aura pas le temps d'aller jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui est le terme de votre livre « La lutte et l'entraide », Nicolas Delalande, « L'âge des solidarités ouvrières ». Il y a ce que des historiennes ou des historiens ont pu appeler l'internationalisme sans international, c'est-à-dire que tout compte fait, vous insistez beaucoup sur les pratiques qui sont mises en œuvre grâce à cette Association internationale des travailleurs, les pratiques de relations, de discussions, de normes, pourrait-on dire, des discussions entre soi à travers toute l'Europe. Et ça, c'est très fort. Oui, c'est les échanges. C'est-à-dire que ce que crée la forme institutionnelle, c'est bien sûr de permettre de démultiplier les relations, les échanges, les correspondances, les liens personnels, les liens d'interconnaissance. Et tout cela survit à la Première Internationale. Elle disparaît institutionnellement, définitivement en 1876. Mais lorsqu'on regarde comment s'organisent certains métiers, lorsqu'on regarde comment les militants, en fait, continuent d'entretenir des liens, on voit qu'il y a un héritage, une postérité bien plus longue. Et donc, ce sur quoi j'insiste et sur quoi d'autres ont insisté, c'est qu'il ne faut pas avoir les yeux rivés uniquement sur les organisations, les institutions, mais voir aussi ce qu'elles permettent, notamment tous ces liens horizontaux qui vont permettre que renaissent en fait cet élan internationaliste avec la Deuxième Internationale, sous des formes très différentes, plus politiques, mais il y a aussi tous ces métiers, toutes ces associations professionnelles internationales qui perpétuent les pratiques qu'on a évoquées de prêt, d'entraide, de solidarité dans les temps de grève ou dans les temps de répression, et qui sont un des puissants éléments de construction du mouvement ouvrier européen et international au tournant du XXe siècle. Mi son svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, la mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, io mi sento di morire. Se io muoio, da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio, da partigiano, tu mi devi seppellire. Une interprétation de Bella Ciao, le chant des mondines italiennes de la fin du 19e siècle, justement, puis ensuite des partisans, ici interprété par la jeune chanteuse corse Battista Acquaviva. Merci d'être venu avec nous, Nicolas Delalande, pour ouvrir cette série d'émissions consacrée aux organisations internationales et nous parler de cette Association internationale des travailleurs, dite Première internationale, qui est au cœur de votre livre La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières. Merci. Merci à vous. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Fabien Capel nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire et nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC.